Ce soir, au programme de 3 films sinon rien, nous aurons une comédie nippone appréciée par le corbeau et défendue par le corbeau. Ce sera le film Comme un lundi. Suivi de 2 films hautement conseillés par les copains de chez iKick, qui seront donc City of Darkness et Life After Fighting, qui arrivent enfin sur Amazon Prime, je crois, depuis le 31 décembre. Alors, on commence tout de suite en écoutant le corbeau. Pour une fois, il n'est pas grincheux et il va vous donner envie de voir son film. Les employés d'une agence de publicité connaissent une semaine sans fin. Ils doivent trouver l'élément qui leur permette de rompre la boucle. Je vous entends déjà, c'est un jour sans fin au pays du soleil levant. Alors oui, un peu parce que le film est cité, et non parce que cela se déroule sur une semaine. Mondays, comme un lundi, film de 2022, de Ryo Takebayashi, a mis à peu près 2 ans à nous parvenir. Un scandale quand on voit le nombre d'étrons qui se pointent une semaine après leur sortie sur notre territoire. Ce qui évite le décalque total sur mon prédécesseur, c'est de le faire au travers de la vie de bureau d'une entreprise japonaise, avec ses rites, sa hiérarchie et le côté décalé de tous les personnages. Chacun doit faire prendre conscience à l'autre qu'ils ont déjà vécu l'événement, et surtout découvrir le but de cette répétition. On peut y rire de la société japonaise et de son monde du travail, où des salariés dans un open space étaient déjà jusqu'ici de par leur vie dans une boucle, avec des semaines qui se ressemblent, et où toute fantaisie, plaisir ou évolution n'est qu'un horizon qui jamais ne se rapproche. Ramassé sur 83 minutes et tourné à l'économie de moyens, ce film réussit le tour de force de ne jamais être redondant, répétitif et ennuyeux. Émaillé de petits moments délirants, il vous assurera un moment drôle, bienveillant, il est à découvrir sans attendre. Et ben si après ça vous avez pas envie de voir Comme un lundi, moi je sais pas comment vous le vendre mieux. Alors, de mon côté, on va parler de City of Darkness. Donc les copains de Daikik l'ont encensé récemment, et ça me semblait justifier pleinement le visionnage. Bon, vous allez me dire que Jazz encense aussi la filmo de Jalal Meryl. Ok, mais en général Seb il est normal, lui. Bref, il se trouve que cette fois les deux sont raccord et qu'ils ont raison. Ce City of Darkness est une belle surprise, une bombe visuelle made in HK, et ça fait tellement plaisir. Bon, je dois cependant reconnaître que je serai un tout petit poil moins enthousiaste qu'eux. Le film est exceptionnel, certes, mais ce n'est pas la grosse claquasse qui va chambouler le cinéma d'action. Par contre, c'est clairement le haut du panier. Visuellement, c'est vraiment très très chouette, et c'est dingue ce qui a été fait avec la forteresse. Nos 4 héros ont de la gueule, ils sont iconisés à outrance, tout comme leurs mentors et les gros vilains. Et en parlant des mentors, Sammo Hung est toujours impressionnant à son âge et il pète toujours le charisme. Venons-en au combat, le gros morceau du film. Et ben, c'est très beau, hein, c'est excellemment chorégraphié, ça virevolte de partout et c'est un régal pour les yeux. Mais à mon goût, ça manque un petit peu d'impact. C'est marrant, mais j'ai très vite fait un parallèle entre ce film et Crazy Kung Fu, un autre chef-d'œuvre d'ailleurs. La cité Todi, ultime forteresse délaissée pour compte, dernier îlot d'une Chine populaire qui résiste à l'envahisseur impérialiste qui le submerge, îlot sauvé provisoirement par un homme providentiel, sorte de héros mythique d'une prophétie qui n'est jamais vraiment narrée. Mais ce qui est cohérent chez Stephen Chow est surprenant dans un pur produit HK. De là à dire que ce City of Darkness est un film politique, je vous laisse en juger. Et si vous voulez en savoir plus, que je ne vous ai pas convaincu, foncez écouter l'épisode d'iKick, le lien sera sans doute en description. Deuxième film conseillé donc par Jazz et Seb, il s'agit de Life After Fighting, qui est enfin dispo chez nous sur Amazon Prime, je le répète. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, ou qui n'en auraient pas entendu parler, ma main a coupé qu'après cette chronique, vous aurez envie de le voir. Non pas que ma chronique soit particulièrement bonne, mais le film, lui, l'est. Donc, acte. Comme je le disais, encore un film qui m'a été grandement conseillé par les copains d'iKick. Et putain, celui-là, c'était une de ses claques. Voilà. Alors oui, City of Darkness est un très bon film. Et celui-ci, techniquement, bah, c'est pas aussi bon, c'est pas aussi joli. La musique est pas aussi chouette. Le personnage est pas autant iconisé. Il l'est, mais pas autant. Mais je vais évacuer ça tout de suite. D'un point de vue technique, cinématographiquement parlant, c'est pas fou. C'est propre, c'est sans fioritures, ok, mais pas de quoi se relever la nuit. Le scénar, oui, bof, efficace, mais sans plus, bah, jugez vous-même. Un ancien champion de taekwondo, reconverti en instructeur, propriétaire d'un dojo, se retrouve confronté à une sordide histoire de trafic d'enfants. On n'est pas dans l'originalité folle, je crois même que les gars de chez Nanarland ont fait un podcast spécialement dédié aux films d'instructeurs de karaté. Hein, on est sur une niche nanardesque assez imposante, assez reconnue dans le milieu. Mais là, par contre, dès qu'il est question de baston, pardon, mais j'ai pas vu plus efficace depuis The Raid. Pas de fioritures dans la mise en scène, pas d'effet de caméra clinquant, mais des mecs qui savent envoyer des patates efficacement, brutalement, tout en étant un minimum cinématographique. Et il n'y a pas mensonge sur les marchandises. Sur 2 heures de film, les 40 dernières minutes ne sont qu'eau fracassée et mâchoire fracturée. Le climax de dingue où les hommes de main du vilain prennent le dojo d'assaut et où notre héros repousse puis détruit l'opposant vague après vague, justifierait à lui seul le visionnage de ce bijou par tout amateur qui se respecte. Bren Foster serait l'homme idéal pour relancer une franchise de tournois type Undisputed ou Bloodsport. Quelque part, ce film me fait penser, toute proportion gardée, à Terrifier. Techniquement très très juste, hein, mais qui pulvérise la promesse faite avec un plaisir fou et communicatif. Faites-vous une faveur, jetez-vous sur ce film. J'avais écrit, dès qu'il sortira, bah ça y est, c'est fait. Hein. Et bon, bah c'est plus la peine de demander à un tonton d'Amérique de vous envoyer la VHS avec un pack de Brooklyn Lager. Faites-le vous-même, regardez-le sur Amazon Prime avec une bonne petite binouze, et vous verrez, ça passe tout seul. Si je peux vous conseiller la binouze, la brasserie 1989, top. Allez, à la semaine prochaine pour 3 nouveaux films.